Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag, votre journal d'infos locales. Et aujourd'hui dans ce Mag, on va parler théâtre et vie locale, direction Nazel-Négron, avec une nouvelle proposition culturelle portée par le comité des fêtes, une pièce qui s'annonce chaleureuse, humaine, portée par des visages bien connus du public. Et pour en parler aujourd'hui, à côté de moi, Lucas Cosnier, bénévole et membre du bureau du comité des fêtes de Nazel. Bonjour Lucas. Bonjour. Lucas, tu viens aujourd'hui nous présenter une pièce. Une pièce qui sera jouée les 28 février et 1er mars au centre socio-culturel de la commune. Avant de nous en parler, j'aimerais que tu nous dises quel est ton rôle au sein du comité des fêtes de Nazel-Négron, à quoi ça sert un comité des fêtes et les différents événements culturels que vous relayez sur la commune. Donc moi je suis secrétaire de l'association pour mon premier mandat et je suis également chargé de communication. Au comité des fêtes à Nazel, nous organisons différentes animations, des lotos, des randonnées et puis évidemment le théâtre. Et notre but est d'animer la commune, dynamiser Nazel-Négron, ville dans laquelle nous sommes, et de fédérer la population autour d'événements assez chaleureux et assez conviviaux. Alors vous accueillez bientôt une pièce de théâtre, Les Feux de l'été. Elle a une histoire particulière, cette pièce de théâtre, et tu nous diras pourquoi. C'est qu'on aurait pu la voir l'année dernière, mais finalement il y a eu un petit souci. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est née l'idée justement de programmer ce spectacle l'an passé et de le reprogrammer cette année? La compagnie d'Ivias est une compagnie qui est déjà venue deux fois à Nazel présenter leur précédente pièce. Elle aurait dû être jouée l'an dernier sur la scène du centre socio-culturel, sauf que la comédienne a eu une extinction de voix. Anne Motte, quelques temps avant la première représentation, et nous avons été donc forcés d'annuler la représentation. Alors justement, Anne Motte, elle est accompagnée de Yvan Mahé, et comme tu le dis, ce sont des habitués de cette scène locale. Est-ce que ça change quelque chose quand on accueille des artistes qui reviennent régulièrement? Il y a quelque chose, j'imagine, qui doit s'instaurer entre vous? Oui, au fur et à mesure des années, on apprécie se retrouver, passer de bons moments tout au long du week-end. Et puis même, je pense que pour eux, retrouver une scène sur laquelle ils ont déjà pratiqué, c'est tout de suite peut-être plus simple et niveau logistique plus agréable. Puis même nous, la première année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Bah oui, en termes d'accueil. Puis maintenant, on prend largement l'habitude. Ils sont sympas? Ah oui, très sympas. Autant que sur scène, alors. Ouais. Donc, Les Feux de l'été, c'est un texte de Pascal Chivet et de Sylvie Danger. Est-ce que tu peux nous faire le synopsis de ce spectacle? Alors, on a un couple protagoniste, Jean-Pierre et Véro. Hein. On a connu leur aventure en camping-car ou avant de partir à la montagne. Exceptionnellement, cette année, ils ne sortent pas camping-car et restent chez eux pour fêter le 14 juillet, durant lequel ils décident de recevoir leurs amis. Véro et Jean-Pierre sont chacun à leur tâche, mais les préparatifs s'annoncent plus compliqués que prévu, évidemment. Et ils sont confrontés à différentes péripéties, des problèmes d'intendance, des invités surprises, des complications de dernière minute. Et donc, une chose est sûre, chez les baillis, avec Jean-Pierre et Véro, il n'y a pas de 14 juillet sans feu d'artifice. C'est une pièce qui a été adaptée et mise en scène justement par l'un des deux comédiens, qui est Yvan Mahé, et qu'on retrouvera bien sûr sur scène. C'est une pièce qui est plutôt humoristique? Oui, c'est tout à fait humoristique. Hein. C'est grand public, tout le monde peut être sensible à leur humour. C'est un humour qui est assez décomplexé, qui est là pour redonner l'humeur aux spectateurs. Et quand tu dis tout public, ça veut dire que les enfants peuvent assister également à cette pièce? On peut venir avec ses enfants, à partir de quel âge? Moi, je dirais à partir de 10 ans, après tout dépend. Ouais, la capacité de rester un petit peu attentif. Voilà, c'est ça. On a déjà eu des enfants qui avaient l'air satisfaits de la prestation des artistes sur scène. Très bien. Alors ça va se dérouler comment concrètement? C'est-à-dire les dates, les horaires, où est-ce qu'on réserve? Donne-nous un petit peu toutes ces infos pratiques. Alors du coup, ça se déroule le 28 février à 20h30 et le 1er mars à 15h. Sur la scène du centre socio-culturel à Nazel-Négron. D'accord. Donc il y a différentes façons de réserver son billet avec un point de vente au bureau de tabac L'Émeraude Pola dans le bourg de Nazel, 10 rue Camille Breton. Aux permanences du comité des fêtes que nous organisons les deux samedis précédents la première représentation, donc le 14 et le 21, de 10h à midi au 19 boulevard du Sauvrage à Nazel-Négron. Et sinon, il est possible de précommander ses places par téléphone. Très bien. La pièce, elle dure en moyenne combien de temps? Elle doit durer environ 2 heures. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aura moyen de se rafraîchir? Oui, donc avant et puis après la pièce de théâtre, il y aura une buvette pour satisfaire vos envies. Super. J'avais une autre question à te poser, peut-être d'ailleurs la dernière de cet échange, Lucas, c'est de savoir, toi en tant que bénévole, qu'est-ce qui te motive justement à t'investir dans ce type de projet culturel ? Eh ben, c'est un investissement qui permet de rencontrer du monde, de créer du lien avec les gens qui viennent aux différents événements. Et ça permet de dynamiser à notre échelle la commune. Il y a une sorte de satisfaction à se dire que grâce à notre infime participation à l'association, la commune vit et tient debout. Et c'est tout bénef pour tout le monde. Eh oui, tout bénef pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Lucas, d'être venu nous présenter cette proposition théâtrale. Donc, on le rappelle, ça s'appelle Les Feux de l'été. C'est joué par la compagnie Divias. Ce sera les 28 février et 1er mars au Centre socio-culturel de Nazelles-Négron, avec sur scène Anne Motte et Yvan Mahé, dans une adaptation et une mise en scène signée Yvan Mahé lui-même. Et peut-être qu'il y aura d'ailleurs un petit moment, je me dis, pour échanger avec les comédiens, si on a apprécié. Oui, tout à fait, à la fin, à mon avis. Ça serait... Oui. Puis c'est des comédiens assez accessibles, donc toujours pas de problème. Chouette, ça. Donc, un rendez-vous culturel à ne pas manquer, porté par le comité des fêtes et des bénévoles engagés. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. On rappelle que vous pourrez retrouver Lucas à sa permanence les 14 et 21 février pour éventuellement acheter votre billet. Eh bien, merci encore à toi. Eh bien, merci de m'avoir invité. Une très belle représentation à toute l'équipe. C'est la fin de notre mag et on se retrouvera dès demain, 18h, pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.